are listening to Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM, Minneapolis, and 106.7 FM, St. Paul, Radio Without Boundaries. Stay tuned for Bonjour, Minnesota. KFAI listeners, this is Janice Lane Ewart, Executive Director of KFAI Fresh Air Radio. Speaking on behalf of Board of Directors, volunteers, and staff, please accept our deepest thanks to every listener who became a new member, renewed their membership, or came back to the KFAI family after a time away. 984 listeners contributed $66,213 in our 8-day drive. Truly fantastic. The shift away from a 2-week pledge drive also means some listeners may have missed an opportunity to become a new member or renew your membership. If you're listening now and you realize you forgot to support your Radio Without Boundaries, go to kfai.org and click on Donate Now. Your support will be greatly appreciated. As each public broadcasting station finds more challenging times to raise funds in these economic and political times, we could not do this without your financial support. So again, thank you. Do you have a car that's full of great karma? But it might be time to let it go? Send it to its next life in style. Donate it to KFAI, and we'll turn it into the programs you love. To donate your car, call 855-277-2346. Or go to kfai.org. KFAI, listener-supported radio. You are listening to Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM Minneapolis and 106.7 FM St. Paul, Radio Without Boundaries. Et maintenant en français, bonsoir, vous êtes à l'écoute de Bonjour Minnesota, la voix communautaire pour les informations et les arts dans les villes jumelles, KFAI 90.3 FM pour Minneapolis et 106.7 FM pour Saint-Paul, la radio sans frontières. Et ce soir, c'est Louise qui vous accueille, bonjour Minnesota, parce que mon ami Caril n'est pas bien. Et my friend Carol is... as we say in English, under the weather, mm-hmm. which I think is kind of a funny expression for some, but in French it's even funny. Oh, and I must say, I'm able to do the show for her because thanks to Miguel, who's nice enough to help here with as a sound engineer, and I can't thank him enough because without him, I don't know, we couldn't do it, that's all. Thank you very much, Louise. I'm actually excited. You know, I think you're going to... He looks like he's enjoying himself already, so maybe we're doing something right. I'm excited to see what music you brought tonight. I brought old records. You know what I was thinking? Mm. At this time, everybody is really concerned, deeply concerned, most of us anyway, about what's going on with the terrible weather, the mm-hmm. hurricane, and there's so much to worry about now. And I hope that our program with those old French songs will be a little diversion, you know, a little escape from the realities. Don't you think we need that, Miguel? Very much so. I know that there's probably all sorts of loved ones, you know, out there in the East Coast. I hope, because, you know, I'm like everybody else. I'm concerned, I feel bad, and we have to forget a little bit for a while, right? All right. So, though, as we say in French, car il n'est pas dans son assiette. If that isn't the dumbest expression, under the weather in English, why do they say under the weather? Do you know, Miguel, what does it mean, under the weather, when you don't feel good? Isn't that crazy? Sometimes, maybe it refers to like a cloud following you around. And even if it is a sunny day, you still may be under that kind of weather. Now I know. But in French, we say she's not in her plate. Elle n'est pas dans son assiette. Now, isn't that about the dumbest thing you've ever heard? I mean, why? Why? Because in French, everything has to do with food, you know. What's in your plate? So she's not in her plate. Caril, did you hear that? Unlike many of us who are always in our plate, I guess, right? Allez, repose-toi bien, mon ami Caril, si tu m'écoutes. Tu vas rigoler, hein? Tu vas croire que je suis vraiment... Okay, we better get going here with songs. And we're going to start with Charles Trenet. Charles Trenet, you know, he reminds me of my youth when we were young girls, crazy about him. He was such a cute poet. Mm-hmm. So we're going to start with the song Boom, which was really the song that made him famous, as I remember, you know, a long time ago. I was a teenager. And then after that, J'ai ta main dans ma main. Alors, Charles Trenet avec Boum et J'ai ta main dans ma main. La pendule fait tic-tac, tic-tic. Les oiseaux du lac pic-pac, pic-pic. Glou-glou-glou font tous les dindons. Et la jolie cloche ding-ding-dong. Mais boum, quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum, et c'est l'amour qui s'éveille. Boum, il chante Loving Bloom, au rythme de ce boum qui redit boum à l'oreille. Tout a changé depuis hier, et la rue a des yeux qui regardent aux fenêtres. Y'a du lilas et y'a des mains tendues sur la mer, le soleil va paraître. Boum, l'astre du jour fait boum, tout avec lui dit boum, quand notre cœur fait boum boum. Le vent dans les bois fait ouh, la bicheuse à bois fait mec, la vaisselle cassée fait fric fric frac, et les pieds mouillés font flic flic flac. Mais boum, quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum, l'oiseau dit boum, c'est l'orage. Brrr, boum, l'éclair qui lui fait boum, et le bon Dieu dit boum dans son fauteuil de nuage. Car mon amour est plus vif que l'éclair, plus léger qu'un oiseau, qu'une abeille. Et s'il fait boum, s'il se met en colère, il entraîne avec lui des merveilles. Boum, le monde entier fait boum, tout avec lui dit boum, quand notre cœur fait boum boum. Boum, boum, ça fait toujours boum, boum, sommes allongés sur l'herbe de l'été. Il est tard, on entend chanter des amoureux et des oiseaux. On entend chuchoter le vent dans la campagne. On entend chanter la montagne. J'ai ta main dans ma main, je joue avec tes doigts. J'ai mes yeux dans tes yeux, et partout l'on ne voit que la nuit, belle nuit, que le ciel merveilleux, qui fleurit tour à tour, tendre et mystérieux. Viens plus près, mon amour, ton cœur contre mon cœur, et dis-moi qu'il n'est pas de plus charmant bonheur que ses yeux dans le ciel, que ce ciel dans tes yeux, que ta main qui joue avec ma main. Je ne sais rien de toi, tu ne sais rien de moi, nous ne sommes que deux vagabonds, toi fille des bois, moi mauvais garçon. Ta robe est déchirée, je n'ai plus de maison, je n'ai plus que la belle saison. Et ta main dans ma main qui joue avec mes doigts. J'ai mes yeux dans tes yeux, et partout l'on ne voit que la nuit, belle nuit, que le ciel merveilleux, qui fleurit tour à tour, tendre et mystérieux. Viens plus près, mon amour, ton cœur contre mon cœur, et dis-moi qu'il n'est pas de plus charmant bonheur que ses yeux dans le ciel, que ce ciel dans tes yeux, que ta main qui joue avec ma main. There now, wasn't that? Oh, Miguel likes it. He said he likes this song. I like so the first one with boom, which just doesn't mean anything. Boom, boom in the sky, everything is great. Boom, like, you know, you're young, you're happy, everything is boom, boom, boom. Even the good Lord in his clouds, he goes boom. And then the second one is more romantic. I have my hand in your hand and your eyes in my eyes. And we don't really know each other too well, but I have nothing, I have no house, your dress is torn, but we don't care, we love each other, we're young. And sounds like the story of my life, yes. So romantic. Very. He was really a poet, you know, he wrote his own songs. He was, we were crazy about him when I was young. And you know, he performed until he was in his 80s. He died not that many years ago. I can't remember exactly. Did you ever get the chance to see him perform? No. But, we all knew his song, his record. Alors, now we are continuing with... nous allons continuer. I'm going to say it in French, and then I'll say it in English, okay? So, maintenant, nous allons continuer avec Nana Mouskouri. Ah, alors, Nana Mouskouri, elle aussi, c'est une chanteuse grecque qui chante dans beaucoup de langues, et elle a une voix très lyrique, une très jolie voix. Elle va nous chanter trois chansons. L'enfant au tambour, ensuite Répondez-moi, et la troisième chanson, c'est Bon la vie. Ok. Il sent son cœur qui bat pas.

KFAI is accepting donations of CDs and LPs of all genres for the record sale now through Wednesday, November 14th. All donations can be dropped off at the KFAI station, 1808 Riverside Avenue, Minneapolis, 55455. You can visit the KFAI Fall Record Sale, a part of Midwest Mountaineering's Outdoor Adventure Expo, located at 309 Cedar Avenue, Friday, November 16th through Sunday, November 18th. For more information, you can visit kfai.org. New to town? New to the one-of-a-kind audio experience that is KFAI? Want to be part of that experience? Why not become a volunteer? KFAI is always open to creative people looking to share their energy. If you're interested in news reporting, engineering, helping in the music library, or at KFAI-sponsored events, contact me, Pam, at phill@kfai.org. That's phill@kfai.org. Thanks. Thank you. From your friends at KFAI. Laisse-moi prolonger l'aube et chanter n'importe quoi. Vive la vie, que c'est bon la vie. C'est bon la vie, c'est bon la vie. La la la la la la la la, c'est bon la vie. Dans le taxi, la route est longue. Fais le plein pour le tour du monde. Tu vas voir comme c'est joli. Doup doupi, c'est bon la vie. C'est bon la vie, c'est bon la vie. La la la la la la, c'est bon la vie. La la la la la, c'est bon la vie. Je n'ai rien à faire et pas de rendez-vous. Je suis libre comme l'air et prête à tout. La folie serait de ne pas faire de folie. Vive la vie, que c'est bon la vie. Did you recognize the first one, which was L'Enfant au Tambour, the little drum boy, in French, boy. The boy with a drum. So that's a Christmas song. Well, we're a little ahead. That's all right. It's not wrong being ahead of the curve. It's coming before we know it. So much. And Répondez-moi, the next one, Answer Me, is a soulful kind of song. It sounds like she's a girl who's somehow locked up in her room or house or something, and she had nothing, and she's trying to send messages and wishes people, somebody would answer her. It's a song of somebody who's lonely, and, you know. And, of course, the third one, Life is Good, C'est bon la vie, and that's, I was asking Miguel, and he reminded me that's in English. It's groovy. Feeling groovy. Feeling groovy. Yes. Written and performed who sang Simon that? And Garfunkel. That's it. Mm-hmm. Oh, so in French, it sounds good too. It's life is good. Mm-hmm. Well, not always, but let's pretend for now that it still has some good in it, huh? Yeah, that's well, right. We have to. We can't let ourselves go. 2 minutes is good. Yeah, enough, you know. Yeah. Alors, maintenant, on continue. Ah oui, it's okay, Miguel, or do you have announcements to make? Non, it's okay. It's all good. Non, mais, alors, en français, maintenant, nous continuons avec un disque de Gilbert Bécaud. C'était un spectacle à l'Olympia en 97. Et l'Olympia, c'est une grande salle de concert à Paris. Et, oh, il est merveilleux, Bécaud. Il va nous chanter Nathalie. Et après, la deuxième chanson est Maintenant. Vous allez reconnaître cette chanson aussi. Et la troisième chanson, vous en avez trois maintenant, hein, pour le prix d'une seule. L'important, c'est la rose. Et je vous expliquerai, je traduirai en anglais après, si vous n'avez pas compris. Alors, trois chansons de Gilbert Bécaud, Nathalie, et Maintenant, et L'important, c'est la rose. La place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide, Nathalie. La place rouge était blanche. La neige faisait un tapis et moi je suivais par ce froid dimanche. Elle parlait en phrases sobres de la révolution d'octobre. Je pensais déjà qu'après le tombeau de Lénine, on irait au café Pouchkine boire un bon chocolat. La place rouge était vide. Je lui pris son bras, elle a souri. Il avait des cheveux blancs, mon guide. Nathalie. Dans sa chambre, à l'université, une bande d'étudiants l'attendait impatiemment. On a ri, on a ri, on a beaucoup parlé. Ils voulaient tout savoir, Nathalie traduisait. Moscou, les plaines d'Ukraine et les Champs-Élysées. On a tout mélangé et on a chanté. Et puis ils ont débouché en riant à l'avance du champion de France dans la danse. La chambre fut vide, tous les amis étaient partis. Je suis resté seul avec mon guide. Et plus question de phrases sobres et de révolution d'octobre. On n'en était plus là. Adieu le tombeau de Lénine, le chocolat de chez Pouchkine, c'est... C'était loin déjà que ma vie me semble vide. Mais je sais qu'un jour à Paris, c'est moi qui lui servirai de guide. Et maintenant, que vais-je faire de tout ce temps que sera ma vie, de tous les gens qui m'indiffèrent? Maintenant que tu es parti, toutes ces nuits, pourquoi, pour qui? Et ce matin qui revient pour rien, ce cœur qui bat, pour qui, pourquoi? Qui bat trop fort, trop fort. Maintenant, que vais-je faire? Vers quel néant glissera? Tu m'as laissé la terre entière, ouais. Mais la terre, sans toi, c'est petit. Vous, mes amis, soyez gentils. Vous savez bien que l'on n'y peut rien. Même Paris, Paris, Paris crève l'ennui. Toutes les rues me tuent. Et maintenant, que vais-je faire? Je vais en rire pour ne plus pleurer. Je vais brûler des nuits entières au matin, je te haïrai et puis un soir, dans mon miroir, je verrai bien la fin du chemin, pas une fleur, pas de fleur, au moment de Dieu. Je n'ai vraiment plus rien à faire, non. Je n'ai vraiment plus rien. L'important, c'est la route. L'important, chante, c'est la route. Pour moi, toi qui marches dans le vent, seul dans la trop grande ville, avec ce cafard tranquille du passant. Toi, toi qu'elle a laissé tomber pour courir vers d'autres lunes, pour courir d'autres fortunes. L'important, l'important, c'est la rose, crois-moi. Toi, toi qui cherches quelque argent pour t'arrondir la semaine, dans la ville tu promènes ton talent. Cascadeur, soleil couchant, tu passes devant les banques mais tu n'es que saltimbanque. L'important, l'important. C'est la rose, crois-moi. Toi, toi tout petit, que tes parents ont laissé seul sur la terre. Petit oiseau sans lumière, sans printemps, rien dans ta veste de drap blanc. Il fait froid comme en bohème, à le cœur comme en carême. Et pourtant, chante, puis s'endort. Moi, pour qui, donnant, donnant, j'ai chanté ces quelques lignes, comme pour te faire un signe. En passant, dis à ton tour maintenant que la vie n'a d'importance que par une fleur qui danse sur le temps. Did that make you feel like you were right there in the in that big hall cheering? Well, first you heard Nathalie by Gilbert Bécaud, who's still a popular singer as far as I know. He's just amazing. And Nathalie is a story of a young man who goes to Russia, Moscow, during the time of the communist regime. And he has a guide, a pretty young blonde Russian girl. Her name is Nathalie. I suppose you could say Natalia in English if you wanted to. But and she's so charming. They kind of, you know, after the tour, she takes them to her place where she meets with the other students, and they get acquainted. And they all want to they're asking questions. They're curious. They want to know about the West. You know, the European and American world, and she serves as a guide, and then they all leave, and oh, what do you know, Nathalie, and he's left behind in her apartment. Well, you know, I don't have to draw you a picture. You figure what you want to figure out, huh? Right. And he's hoping that someday she'll be able, when things are better, she'll be able to come to Paris, and he'll be her guide. And maybe they can renew the romance. But you noticed how they mixed the Russian style of music with it? That was good, I thought. And they even ended on a passionate kind of Russian music. Oh. And maintenant, the second one. Now, what in English, it's what was it in English? Na, na, na, na, na, na. What is that in English? I couldn't name that tune. I couldn't. It's sung in English also. So that's a sad one. his girlfriend has left him. What am I going to do? What's a world? No more world for me. Well, you know, it's... And someday I'll stop crying and I'll laugh about it. I felt like that when I was 16, yeah. Oh, I think almost everybody can identify with that kind of experience. Maybe, you know, that's why it's popular. And then the last one, l'important, c'est la rose. What's important is the rose. Mm. No matter how sad your life is, you have difficulty, she left you, you're unhappy, or you don't have a job, you have no money, or you're an orphan child, don't worry. What it really matters in life is the rose. Mm-hmm. In other words, what beauty, the beauty of life. The, you know. So it's quite a... And you could tell the public was really... it's nice when it's a recording live from an actual concert. You can hear people singing along. In and the then, background. Yeah, he had them sing along because they know the song, L'Important, c'est la rose. And they want to be on record too, why not? Yeah, I suppose. Everybody's kind of a little ham, huh? At heart. So, you know, that was a special concert in 97, my goodness. Ooh, time goes. Okay, now your turn. Programming on KFAI is sponsored by DEX, your source for thorough and up-to-date local information. In the book and online at DEXKnows.com. What you need, when you need it, DEX knows. Once the mythical Orpheus lived in the Balkans. Experience the enchanting music of this region. Immerse yourself in a fast-paced and complex rhythms. Embrace this unique, fascinating music with Nikolai at Balkan Jamboree. Come, join me every Tuesday from 10 p.m. to midnight here on KFAI. Ah, I'm back to the music. Je continue. Maintenant, c'est Yves Montand. Tout le monde connaît Yves Montand, peut-être, non? Il était un grand chanteur, un grand acteur. Et il était d'origine italienne. Et quand il est arrivé à Paris, il a eu beaucoup de succès. Je ne sais pas si c'était tout de suite, mais enfin. Et il a choisi un nom français. Et son nom italien, c'était Ivo Libi. Et un... Alors, pour choisir un nom français, il s'est souvenu que sa mère, quand il était petit garçon, il jouait dans la rue. Et quand c'était l'heure de monter à la maison pour déjeuner ou quelque chose, sa mère disait « Ivo, monte, monte !» Alors, il a choisi « Come up, Yves, monte bien, monte à la maison !» Alors, il a transformé ça en « montant ». Il est devenu Yves Montand. Alors, nous allons l'entendre chanter à Paris, et ensuite un gamin de Paris. Et après, sur le même disque, nous allons entendre Edith Piaf. Nous ne pouvons pas avoir un programme de Bonjour Minnesota sans Edith Piaf. Ça, c'est une tradition avec nous. Et cette fois-ci, Edith Piaf va nous chanter Sous le ciel de Paris. Alors, trois chansons sur Paris. À Paris, quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines deux cœurs qui sourient, tout ça parce que qu'ils s'aiment à Paris. Au printemps, sur les toits, les girouettes tournent et font les coquettes avec le premier vent qui passe indifférent, nonchalant. Car le vent, quand il vient à Paris, n'a plus qu'un seul souci, c'est d'aller musarder dans tous les beaux quartiers de Paris. Le soleil, qui est son vieux copain, est aussi de la fête. Et comme deux collégiens, ils s'en vont en goguette dans Paris. Et la main dans la main, ils vont sans se frapper, regardant en chemin si Paris a changé.

Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, de musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris jusqu'au soir vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couvre un drame, puis mets à Paname, tout peut s'arranger. Quelques rayons du ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, l'espoir fleurit au ciel de Paris. Sous le ciel de Paris coule un fleuve joyeux. Il endort dans la nuit les clochards et les gueux. Sous le ciel de Paris les oiseaux du bon Dieu viennent du monde entier pour bavarder entre eux. Et le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis 20 siècles, il était pris de notre île Saint-Louis. Quand elle lui sourit, il met son habit bleu. Quand il pleut sur Paris, c'est qu'il est malheureux. Quand il est trop jaloux de ses millions d'amants, il fait gronder sur eux son tonnerre éclatant. Mais le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel. Pour se faire pardonner, il offre un arc-en-ciel. Wasn't that nice? And thank you to the nice lady who just called and said how much she likes our show. And before I forget, call when you when the songs are playing, because there's nothing more wonderful than to have people call and tell us nice things about our show. You know, why not? Huh? And Miguel looks like he's enjoying himself too. So you heard first Yves Montand, who sang up. The three songs were homage to Paris, you know, in different ways, like poems to Paris. And Yves Montand, many of you know who he is. He was a great actor, too. He was originally an Italian man, and his name was Ivo Livi. And when he came to Paris and started to be well-known and appreciated, he had to choose a French name. And he remembered that his mother, when he was a little boy, he'd play down the street. And when it was time for him to come home for to eat or lunch or something, she'd say, Ivo Monte, Monte. Look at me trying to make an Italian accent with my French accent on top of it. Oh, boy. Anyway. Try not to offend people, you know. French, oh, and so she'd say, Ivo Monte. Monte. So he decided to make his name Montand, Yves Montand. Isn't that nice, huh? And so then he sang a cute song about the typical little Paris urchin. I don't know if there are any more of those little urchins anymore. It's you know, years ago when the kids could run around in the streets of Paris. And now it's kind of different, probably. And, of course, our great Edith Piaf. We always have to have an Edith Piaf song during Bonjour Minnesota. It's almost a must with a Bonjour Minnesota. And she sang on the Paris sky and that too. It's like a poem to Paris. Mm-hmm. So be sure and call. Oh, by the way, the number to call, I better tell you if you're going to call. It's 612. The studio is 612-341-0980. 612-341-0980. We love it when you call and thank you. Merci, merci. And now it's Miguel's turn to do something, announce or whatever. I'm going to dance here in the studio. Oh, it's almost 9 o'clock. It's almost. So and should so I announce the station now? Might as well, huh? Yes, please it's do. It's not quite, it's 2 minutes before 9, to be perfectly correct. And you are listening to Fresh Air Community Radio, KFAI, 90.3 FM Minneapolis and 106.7 FM for St. Paul. Radio without boundaries. What are we going to hear next? Oh, you're ready for more, oh, huh? I'm ready. Now, oh, see, you can't wait to hear more French songs. Now it's from a series called Absolutely Français. And we'll have a combination of old-timers. Maurice Chevalier. Do you know Maurice Chevalier, Miguel? Is that I learned about Maurice Chevalier through a Grouch Brothers movie, I believe. How about that, see? Yeah, and they do a great, let's say, Maurice Chevalier impersonation. Oh, he was the typical Parisian. Mm. I saw him years ago before he was on his last tour, supposedly, you know. Well, yeah, I guess it was the last tour. And my husband and I saw him at Northrop Auditorium at the U, believe it or not. And you know, that's a huge theater. Yes. It was packed. And it was just Maurice Chevalier and his pianist. Mm-hmm. And he had us in the palm of his hand for the whole time, probably an hour and a half or more. He had something, that guy. He really did. Huh? So, and he had a poor beginning. Mm-hmm. He was poor, but he became so big. Hollywood had him. Oh, mm-hmm. my. So you'll hear him sing vous allez l'entendre, Maurice Chevalier, chanter Fleurs de Paris. Lucienne Boyer, Parlez-moi d'amour. Vous reconnaîtrez la chanson, on la chante en anglais aussi. Et bah, c'est tout, deux chansons cette fois-ci. Maurice Chevalier, Fleurs de Paris. Lucienne Boyer, Parlez-moi d'amour. L'épicier l'avait gardé dans son comptoir. Le percepteur la conservait dans son tiroir. La fleur si belle de notre espoir. Le pharmacien la dorlotait dans un bocal. L'ex-caporal en parlait à l'ex-général. Car c'était elle, notre idéal. C'est une fleur de Paris, du vieux Paris qui sourit. Car c'est la fleur du retour des beaux jours. Pendant 4 ans, dans nos cœurs, elle a gardé ses couleurs. Bleu, blanc, rouge, avec l'espoir, elle a fleuri. Fleur de Paris. Fleur de chez nous, elle a fleuri de partout, car c'est la fleur du retour des beaux jours. Pendant 4 ans, dans nos cœurs, elle a gardé ses couleurs, bleu, blanc, rouge, elle était vraiment avant tout fleur de chez nous. Une fleur de chez nous. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba Barba papa. Barba papa. Le blanc rouge, les avant tout. Le chez nous. Il est murmurant, frémissant, me berce de sa belle histoire. Et malgré moi, je veux y croire. Parlez-moi d'amour, redites-moi des choses tendres. Votre beau discours, mon cœur n'est pas là. Je vous aime. Il est si doux, mon cher trésor des princes fous. La vie n'est parfois trop amère si l'on ne croit pas aux chimères. Le chagrin des vies apaisées et se console d'un baiser. Du cœur, on guérit la blessure par un serment qui le rassure pas. Redites-moi des choses tendres. Votre beau discours, mon cœur n'est pas là de l'entendre. Pourvu que toujours vous répétiez ces mots suprêmes. Je vous aime. Okay, now you heard, of course, Maurice Chevalier in Fleur de Paris about the typical Parisian girl. Again, it's more like a poem, you know, than anything. And Lucienne Boyer, did you recognize? No, you're too young, Miguel, to remember. Mm-hmm. In English, it's Speak to Me of Love. It's, some people years ago sang that too. But it's a typical of Speak to Me of Love. Repeat those beautiful words, I love you, you know. A nice romantic song from the 30s. Well, that's okay. It was a change of pace. Oh, yes. Yeah. No, it's, you can never go wrong with love. Right? Well, now I'm going to announce the news, mainly from the Alliance Française. And if you want to write down the phone number, if you're interested, the main thing is to call them if you're interested in any of the announcements. The number is 612-332-0436. 612-332-0436. Oh, they have so much going on at the Alliance Française, I'm telling you. First, I'll have a mini session for 3 weeks for a review from November 26th to December 15th. You can refresh your French with a three-week course. And then you can also take a placement test if you want to join a review class to brush up on grammatical structure, perfect your vocabulary. And you can learn about les fêtes en France in a topics course with Karine Quentin, who is a fabulous teacher at the Alliance Française. Or you can take a one-day workshop on idiomatic expressions, etc. Now, you also, if you are interested in history, France and Algeria, you know, it's been 50 years since Algeria gained its independence from France after being a colony for many years. And Joël Vitiello is a teacher at of French at McAllister College. She's president of the ATF of Minnesota, and she'll give a lecture about that period now, retrospect, so to speak. Also, from October 30th to November 18th, Claire Denis at the Walker Arts Center, beginning with the first film screening on October 30th, the Walker Arts Center will present a retrospective of the works of French film director Claire Denis. She directed Chocolat, whatever. So if you're interested in that, you can call the Alliance Française and find out more about it. You see, there's so much going on. Yes. So some of it. There's a boutique called Coquette Boutique on Saturday, November 3rd from 3 to 8 p.m. It's a visit the European-inspired shops of Elko in the town of Elko New Market with a Coquette Boutique. And so, again, call about that if you're interested. You can, and that's for later. I don't want to announce any too much ahead of time, because then you forget, you know, if you're like me, you might forget. I don't know. Besides, we'll announce next time. Oh, no, next time. We have to remember, tell them. We'll be preempted, you know, because of the election night. So that's right. Next Tuesday, November 6th, is, of course, is Election Day. Yeah, and so the whole evening. The whole evening. From 8 to midnight. 8 to midnight. The KFI News Department. Oh, don't department. Tell me. I'm so nervous. The KFI News Department. They will be having a... You know, evening election coverage from 8 to midnight. Are you going to be here for that? I could be. You know, I have to vote first, and then... Yeah, of course. I'm sure it'll be an interesting night around here. Oh, yes. Boy. Can't beat KFAI for interesting stuff. But now, a very important thing that I really want to plug personally. November 8th at 7 p.m. at Common Good Books in St. Paul. I think it's a new bookstore opened by Garrison Keillor, I think. Mm. There'll be an interview with Richard Unsworth. He's the author of a book called A Portrait of Pacifists, Le Chambon, The Holocaust, and the Lives of André and Magna Trocmé, or the parents of our good friend who lives here in St. Paul, Nellie Trocmé. And so this is the inspiring story of a long time... Alliance Française member Nellie Trocmé Hewitt's parents and their critical aid to Jewish children leading up to and during World War II. Mm. It's a fabulous book. I have it. It's amazing. So many books have been written about that couple. They were an extraordinary couple. And so this is something that I really hope people... Oh, there'll be a lot of people anyway, you can be sure. Been a lot of publicity. Well, I guess that's all for the announcement. I don't know of any French movies in town right now. I'm sorry. usually there are some movies, but right now I'm not sure. Well, that's all right. You can check that in the paper, you know. Mm-hmm. So, now you want me to continue? Oh, yes, we can play some more music. Oh, more music, please. So now we'll go with... Charles Aznavour, he's another good one. And he'll sing Si j'avais un piano. No, en français, je parle en français. Vous allez entendre Charles Aznavour, Si j'avais un piano. Et Tino Rossi, alors lui, c'est un ancien, il était très populaire au temps de ma mère. Alors vous voyez, et il va chanter sa chanson qui l'a rendue célèbre, « J'attendrai ». Bon, deux chansons, Charles Aznavour, « Si j'avais un piano », et Tino Rossi dans « J'attendrai ». Si j'avais de l'argent, j'achèterais un piano. Quand j'aurais un piano, je pourrais faire des gammes. Quand on sait faire des gammes, on peut jouer des morceaux. Aussi sale gaveau, je donnerais un programme. À ce programme viendrait tout un public ardent qui devant mon talent m'enverrait ses bravos. Et grâce à ces bravos, je gagnerais de l'argent. Et avec cet argent, j'achèterais un piano. Si j'avais de la chance, je rencontrerais l'amour. En rencontrant l'amour, je prendrais plus d'assurance. Avec cette assurance qui changerait mes jours, paraissant bien plus fort, j'inspirerais confiance. Avec des involtures et beaucoup d'élégance, à bien de jolies femmes, je pourrais faire ma cour. Dès que j'aurai tout ça, c'est que j'aurai de la chance. Et avec de la chance, je rencontrerais l'amour. Si j'avais de l'argent, je rencontrerais l'amour. En rencontrant l'amour, j'achèterais un piano. Quand j'aurais un piano, je pourrais faire ma cour. Et pour faire ma cour, j'irais ça le gaveau. Avec des envoltures, le public en confiance. Devant tant de jolies femmes, m'enverrait ses bravos. Comme j'aurais des bravos, j'aurais aussi de la chance. Et avec cette chance, j'achèterais un piano. Et avec ce piano qui m'apportera de la chance, je gagnerai de l'argent et j'achèterai de l'amour. Si j'avais. Car l'oiseau qui s'enfuit vient chercher l'oubli dans son nid. Le temps passe et court en battant tristement dans mon cœur plus lourd. Et pourtant j'attendrai ton retour. Les fleurs pâlissent, le feu s'éteint, l'ombre se glisse dans le jardin, l'horloge tisse des sons très là, je crois entendre ton pas. Le vent m'apporte des bruits lointains, guettant ma porte, j'écoute en vain, hélas plus rien ne vient. Now that you heard Aznavour. Aznavour was an Armenian who made a big career in Paris. In fact, he's still performing, I think, even though he's in his 80s. I saw him twice when he came years ago to Orchestra Hall. Mm-hmm. And he's really, he composes, writes most of his songs himself. He's quite a great poet, too. And this is kind of a funny one. If I Had a Piano is the name of the song. Mm-hmm. But it is, if I had the money, I could buy a piano. If I had a piano, I could be a great concert artist. And of course, with that, I'd get women after me, I'd get love, you know, everything would be great. It's all about that kind of, if I had the money. It starts still with goes the money, back to, yes. Oh, is that the truth? What, oh, my right. goodness. We don't have to comment on that, do we? We know. No. But that Aznavour, he's really, he wrote fabulous songs with mm-hmm. messages. And this one is a little more lighthearted, more funny, yeah. But he's quite a guy. He was, by the way, he was given his chance by Edith Piaf. Oh. Yeah. She really recognized that he was a big talent. But that was all. He was not her type. So enough said about that. Enough said. All right, you know, after all. The next one was Tino Rossi. Now, Tino Rossi, that we really go back almost in prehistoric times, my I'm telling you. Because he was a big star in my mother's day. Mm-hmm. And, you know, I'm no spring chicken. So talking about my mother time. But I was a little girl, and I remember that song, J'attendrai, I will wait. And he sang in that tremolo like voice that is not popular now, is it? For later? It can be, but no, for he had me fooled. I thought it was a female singer, but well, man, The women were not so crazy about him. And it's a beautiful tango, if you know how to dance a tango, you know, that's a great. And I will wait, like the bird who runs away and then comes back to his nest. I hope you'll come back. I hear your steps, and he's the one who's waiting, you know. It's not the woman who's waiting in this case. He's the one. Oh, it's very, we go way back. Tonight, it's all songs of the past, huh? It takes us there, so that's what I mean. I think young people like you seem to appreciate those old songs, of American songs of the past. Sometimes old songs are new songs, you know. Yeah. So it's and it's don't new. You think they're, for one thing, the singers are easier to understand? Mm-hmm. Huh? Yes. Just between you and me, really. The new ones, the rhythm is great, you know, rock, a lot. It has a lot of energy. Mm-hmm. But frankly, I don't know about the words, the lyrics. I don't know if it's me, but usually I don't understand what they're saying, do you? Somehow the syllables and the notes, you know, they're willing to sing them longer. Yeah, and I don't know if there's much of a message. Take their time. But anyway, don't get me wrong. I like good rock when it's a volume I don't like. Yeah, yeah. It hurts the ears. It ruins the melody when the volume is... am I crazy or what? Do you agree with me? No. I mean, I think certain things are... they sound really good at certain different volumes. Yeah, and so they really... sometimes on the radio, when the volume isn't so strong, then the energy of rock music, I can appreciate, you know. Mm-hmm. But... oh, anyway, there I go. Oh, my goodness. Once I start, me and my big mouth are too much. So now... We'll run some announcements and we'll be back. Oh, yeah, we have announcements and then I'll be next. Hello, KFAI listeners. This is Janice Lane Ewart, Executive Director of KFAI Fresh Air Radio. Speaking on behalf of Board of Directors, volunteers, and staff, please accept our deepest thanks to every listener who became a new member, renewed their membership, or came back to the KFAI family after a time away. 984 listeners contributed $66,213 in our 8-day drive. Truly fantastic. The shift away from a 2-week pledge drive also means some listeners may have missed an opportunity to become a new member or renew your membership. If you're listening now and you realize you forgot to support your radio without boundaries, go to kfai.org and click on Donate Now. Your support will be greatly appreciated. As each public broadcasting station finds more challenging times to raise funds in these economic and political times. We could not do this without your financial support, so again, thank you. Wondering how you can stay on top of all the latest KFAI news? Follow us on Twitter at KFAI-FM Radio for up-to-the-minute announcements. Facebook users can search for KFAI to find our fan page, where we post upcoming events, program guests, and promotions. And don't forget to subscribe to our videos at youtube.com/user/KFAI Radio. Ah, my turn again. C'est mon tour. Je reviens avec des chansons françaises. Maintenant, nous allons entendre Salvatore Adamo. Oh, il est bien. Il est plus récent. Et vous allez entendre une chanson qui s'appelle « Fleur ». Ensuite, une chanson qui « Lâche pas ton rêve ». Oh, ça, c'est une belle chanson, j'expliquerai en anglais après. Et non, d'abord, pardon, mon agenda d'abord. Et après, « Lâche pas ton rêve ». Trois chansons par Salvatore Adamo. La main, fleur posée à la tombée du soir, sur le pas d'une porte plein d'espoir, fleur effeuillée, fleur, dis-moi si elle mène, fleur, ma question est toujours la même. Fleur des instants retrouvés qui ramène un sourire d'un tendre passé. Fleur, songe à la douceur d'aller là-bas où le poète invite au voyage. Fleur, le souvenir d'un parfum et des traits d'un visage. Fleur, bouquet charmant pour la mariée. Fleur, jetée au vent, les yeux fermés. Fleur trop maquillée, fleur des grands soirs, en fourreau de soie, pétale noire. Fleur qui vous met le monde en couleur pour cacher un peu de sa laideur. Fleur aux corolles d'or sous le soleil, pour un peintre fou qui s'émerveille. Fleur, songe à la douceur d'aller là-bas où le poète invite au voyage. Et des traits d'un visage. s'entête à percer les gravats et qui joue sa vie sous chaque pas. Fleur fanée comme un ancien amour qui s'efface un peu plus chaque jour. Fleur, songe à la douceur d'aller là-bas où le poète invite au voyage. Fleur, j'ai gardé au cœur le souvenir d'un parfum et des traits d'un visage. Ça, pour y découvrir ce que je dois faire de moi les prochains mois. À l'ordre du jour, je ne lis que ton nom tout au long. C'est plus que de l'amour, ça tourne à l'obsession. Mais c'est bon, comment veux-tu que je t'oublie? Comment veux-tu que je t'oublie? Mon agenda ne me le permet pas. Comment veux-tu que je t'oublie? C'est toi qui embellis ma vie en te penchant tendrement sur mon cas. Tourne la page pour voir le lendemain. T'es toujours là, ton nom dans un cœur bien à côté du mien. On ne se moque pas, on a rendez-vous de quart d'heure en quart d'heure. C'est écrit là, j'ai juste le temps d'aller t'acheter des fleurs. Et me voilà, comment veux-tu que je t'oublie? Comment veux-tu que je t'oublie? Mon agenda ne me le permet pas. Comment veux-tu que je t'oublie? C'est toi qui embellis ma vie en te penchant. Mon amour, que même en travaillant, je pense à toi. Je passe tour à tour d'un rêve à un bilan. Je suis fort, tu vois. Et même si parfois j'entends mon directeur, oh là là, qui me rappelle sur terre pour voir si je suis bien là. Quitte pas, comment veux-tu que je t'oublie? Comment veux-tu que je t'oublie? Mon agenda ne me le permet pas. Comment veux-tu que je t'oublie? C'est toi qui embellis ma vie en te penchant. Lâche pas ton rêve, lâche pas ton rêve, mon petit. Garde ta fleur dans ton cœur. Lâche pas ton rêve, lâche pas ton rêve, mon enfant. Prends ton temps, profite-en. Va et t'invite la télé, on peut très bien se passer de ces sales nouvelles. Laisse s'empoigner les grands pour leur or, pour leur argent, c'est toujours pareil. Tu en as déjà trop vu, des images qui te remuent, te donne en haut le cœur. Des gens qui se tapent dessus, qui s'explosent dans les rues, dans un spectacle d'horreur. Lâche pas ton rêve, lâche pas ton rêve, mon enfant. Accroche-toi, envole-toi. Ferme les yeux sur la laideur, peins le monde à tes couleurs, ta palette est bien plus belle. Il est joli ton dessin, où les hommes se tiennent la main pour une ronde fraternelle. Dis-toi que les gens sont bons et qu'ils savent ce qu'ils font et qu'il n'y a pas la guerre. Qu'ils s'entraident avec amour, se soutiennent tour à tour pour sortir de leur misère. Si en regardant les cieux, tu jouais à parler à Dieu, qui lui met le haut courant. Les hommes n'ont pas trouvé mieux pour montrer comme ils sont pieux, de se battre en le priant. Lâche pas ton rêve, lâche pas ton rêve, mon petit. Accroche-toi, envole-toi. Lâche pas ton rêve, lâche pas ton rêve, mon enfant. Lâche pas ton rêve, lâche pas ton rêve. Ah, that's Salvatore Adamo. He's more current. You could tell from his rhythm, huh? Couldn't you? Yeah. It was some toe-tapping rhythm. I really enjoyed it. And his lyrics are great. The first one with fleur, flower. So she's obviously a symbol of the woman, and he gives her advice about, you know, doing everything right, enjoying life. It's like a poem. And then the second one was, how can I possibly forget you? Because you're on every page of my agenda, and you're embellishing my life, beautifying my life all the time. How in the world can I forget you? You're in my agenda, every page. I'm taking notes right now. taking notes, yes. But the third one, I just love that song personally, because you said, don't let go of your dreams, my little one. My child, don't let go of your dreams. Just hang in there, because money, you know, men, all they know is fighting and making money. And but please don't let go of your dreams. Don't let go of your dreams. And it's, and the rhythm goes so well with it, don't you think, huh? No, yes. It's a humbling message, too. The message and the music. Would you call that more like kind of rock in a way? You know, sometimes rock can be like that. Yeah, I mean, it's a different, it's a more modern kind of jazz, wouldn't you say? Yes. It sounds very Caribbean too. Like, I can imagine right. It's something. Yeah, he's Italian, you know, Salvatore Adamo. And, I don't know. So, I don't know, there's something about it that has an energy, that music that gets to you and it makes you feel like dancing and moving and doing something, right? Yes. I've been dancing around in my chair here. Yeah. While I was playing this. I'm so glad you're making me feel good that I chose those songs. So now it's your turn to give an announcement, you'd say, huh? Yes, we'll be right back to Bonjour, Minnesota. KFAI is starting a vehicle donation program. Several of you thoughtful listeners have asked about donating your car, boat, or motorcycle to benefit KFAI. Now you can. Donating your old vehicle to community radio means a tax deduction for you. And we use the proceeds to support the programs you love. To donate your vehicle, go to kfai.org. Or call 855-277-2346. KFAI, listener-supported radio. KFAI is accepting donations of CDs and LPs of all genres for the record sale now through Wednesday, November 14th. All donations can be dropped off at the KFAI station, 1808 Riverside Avenue, Minneapolis, 55455. You can visit the KFAI Fall Record Sale, a part of Midwest Mountaineering's Outdoor Adventure Expo, located at 309 Cedar Avenue, Friday, November 16th through Sunday, November 18th. For more information, you can visit kfai.org. Ah, I'm back. Mon tour de... Maintenant, nous allons dans les temps préhistoriques, mes amis. Oh, nous allons entendre Fréhel. Oh, alors ça, elle date des années 20, même avant... Moi, je ne me souviens pas vraiment de Fréhel, à vrai dire. Mais elle était très connue et c'est une grande, forte femme qui était très populaire et très réaliste dans ses chansons. Et malheureusement, on dit qu'elle est à la fin de sa vie, elle était très pauvre et elle est morte toute seule en grande pauvreté. C'est dommage, c'est triste, hein? Alors ça, c'est déjà une chanson nostalgique parce qu'elle dit « Où sont tous mes amants, tous ceux qui m'aimaient tant ?» Après, la deuxième, c'est une chanson par Fréhel encore, « Tel qu'il est ». Alors ça, c'est très, très drôle. C'est un, l'homme qu'elle aime, il n'est pas exactement beau. Il est bancal du côté cérébral, ça veut dire « he's kind of ». Il n'est pas très équilibré du côté cérébral. Enfin, vous comprenez. Je traduirai en anglais après. Et ensuite, nous allons entendre aussi une ancienne, une chanteuse des années 30, je crois. Non. Attendez, excusez-moi. Non, celle-là, elle est plus récente. Elle est du temps de la guerre, la deuxième guerre. Et vous allez entendre le chant des partisans. Alors ça, c'est, je pense que vous allez reconnaître cette chanson. C'est sur les résistants de la guerre. Alors, Fréhel, dans deux chansons, « Où sont tous mes amants ?»« Tel qu'il est » et Germaine Sablon dans « Le chant des partisans ». Où sont tous mes amants, tous ceux qui m'aimaient tant, jadis quand j'étais belle, adieu les infidèles, ils sont je ne sais où, à d'autres rendez-vous. Moi, mon cœur n'a pas vieilli pourtant. Où sont tous mes amants? Dans la tristesse et la nuit qui revient, je reste seule, isolée, sans soutien, sans nulle entrave, mais sans amour. Comme une épave, mon cœur est lourd. Moi qui jadis ai connu le bonheur, les soirs de fête et les adorateurs, je suis esclave des souvenirs et cela me fait souffrir. Où sont tous mes amants, tous ceux qui m'aimaient tant, jadis quand j'étais belle, adieu les infidèles, ils sont je ne sais où, à d'autres rendez-vous. Moi, mon cœur n'a pas vieilli pourtant. Où sont tous mes amants? La nuit s'achève et quand vient le matin, la rose pleure avec tous mes chagrins. Tous ceux que j'aime, qui m'ont aimé, dans le jour blême sont effacés. Je vois passer du brouillard sur mes yeux,

ont eu le vol noir des corbeaux sur nos plaines. Amis, ont eu le chant lourd du pays qu'on enchaîne. Oh, et partisans, ouvriers et paysans, à vos armes. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils à mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle ou au couteau, tuez vite. Oh, et saboteurs, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens au creux du lit font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Les compagnons, dans la nuit, la liberté vous écoute. Now you heard Frael. Frael was a big girl from Brittany in the 20s or so, 30s, 20s, 30s. And she was very popular because she was a funny, kind of no-nonsense singer. The first song was, Où sont tous mes amants? Where are my lovers? Those who loved me so much in the days when I was beautiful. Now they've all gone away and they're just memories. And yet my heart is still young. I might not be much. Well, she doesn't say that. But she said, my heart is still young. And yet, that's so it is. They're gone. What is sad about her is that she was very popular. Everything was great. But she ended her life very poor and all alone in a single room, I think the story goes. So it's kind of sad. But then the second one is really funny because she, as such as he is, she describes the man she loves. He's not much to look at. He's, you know, she said he, in the cerebral department, he's kind of askew. He's not very, and she said, when he's naked, there's just half of him left. I mean, she just makes fun of herself and him. Mm-hmm. And yet, I don't care. I love him. You know, I was hope he's not her Hercules. For his shoulders, he has to have cardboard in his suit coat. You know? It must be the personality. But yeah, somehow she loves him. No hair on his head, but lots of it on his legs, but so, you know, stuff like that. And then the third one was the song of the partisan, the men of the underground during the war, during the occupation, how they, so it, you could tell almost from the sound, couldn't you, that it's a, it's kind of a marching song. Marching yes. song, yes. yeah. So now, alors maintenant on continue, Jacques Brel, une chanson, Ne me quitte pas, vous allez reconnaître. Et bon. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas, il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà. Oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment. Oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de pourquoi, le